À cette intersection, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je suis dans une voie qui autorise à tourner à droite ou à continuer tout droit. La voie qui est sur ma droite est réservée aux cyclistes. Je n'ai pas le droit de l'emprunter. En revanche, puisque personne n'y circule et que les feux sont au vert, je vais pouvoir la traverser pour tourner à droite. Réponse A.